Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la révolution iranienne de 1979. Deux minutes à peine après l'annonce du départ du Shah par la radio nationale, la ville de Téhéran a été le théâtre d'une véritable explosion de joie. Des millions d'Iraniens, même ceux des quartiers huppés, sont descendus dans les rues, s'embrassant et se congratulant de la nouvelle. Partout, on offrait dragées, bonbons, gâteaux, pains et dattes en signe de liesse, tandis que des milliers d'œillets et de pancartes de l'Ayatollah Khomeini étaient distribués. Le 16 janvier 1979, le Shah d'Iran s'enfuit devant la colère populaire qui gronde contre son régime depuis des mois. Deux semaines plus tard, début février, l'Ayatollah Khomeini fait un retour triomphal à Téhéran. Et le 1er avril, la population iranienne approuve par référendum la création d'une république islamique. C'est la révolution iranienne, cette révolution qui chassera le Shah et mettra fin au régime monarchique pour installer des représentants religieux à la tête de l'État. Je me suis trouvé en face d'un personnage brisé, déçu, ne sachant plus très bien quoi faire. Il fermait les yeux quand on parlait et ensuite il hochait la tête. Est-ce qu'il écoutait? J'en sais rien. À un quart d'heure du décollage de l'avion du Shah de l'aérodrome de Mehrabad, avec un autre de mes confrères iraniens, j'ai assisté à une scène qui est assez bouleversante. Le Shah est passé trois fois sous le Coran qui a été tenu par mon collègue journaliste. Or, cette scène se fait généralement en présence de l'imam Jomé, la plus haute autorité religieuse de la capitale iranienne. Il est passé sous le Coran trois fois, comme il est de tradition en pays islamique, avant un départ. Il l'a fait appuyer sur son front, puis il l'a embrassé. La Chabanou a fait de même. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que ses yeux se sont embués de larmes et que d'un pas incertain, en se tenant à la rampe, il est monté dans son appareil sans se retourner et sans voir les gens qui étaient en bas. Généralement, en haut de la passerelle, il se retourne. Cette fois, il ne l'a pas fait. Ça a été son dernier geste avant de quitter son sol natal. Le journaliste iranien Fred Sebjam, en janvier 79, qui raconte les tout derniers moments du Shah d'Iran juste avant qu'il ne quitte son pays en lui tournant le dos. Pour nous raconter et nous faire revivre cet épisode de la révolution iranienne, l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse le Shah d'Iran à fuir son pays le 16 janvier 1979? Il a totalement perdu le contrôle de la situation. La population réclame le retour de l'Ayatollah Khomeini, réclame son départ. C'est un homme qui est complètement déconnecté de la réalité. C'est un homme qui disait à chaque entrevue qu'il faisait avec des journalistes étrangers qu'il avait un lien privilégié, un lien particulier avec le peuple, qu'il comprenait le peuple, qu'il lisait l'âme du peuple iranien, ouais. Et que le peuple iranien lui vouait un infini respect parce qu'il acceptait les réformes qu'il était en train de mettre en œuvre. Mais c'est un homme qui était complètement coupé du peuple. Pourquoi? Parce qu'il vivait isolé dans son château. Ouais. Il n'avait des contacts qu'avec la classe dirigeante, avec le fameux 1% de la classe dirigeante iranienne. Il avait des contacts avec l'étranger. Mais il avait perdu le sens de réalité. Écoutez, il était au pouvoir depuis 1941. Alors, il avait été chassé en 1953 suite aux nationalisations du premier ministre Mossadegh. Il avait été replacé sur le trône d'Iran grâce à une opération montée par la CIA et les services de renseignement britanniques. Mais c'est un homme qui est devenu, au fil des années, un roi autocrate, une espèce de tyran, ouais, qui prenait ses rêves pour la réalité. Ouais. Régime, l'homme fort d'Iran, un régime dictatorial. Tout à fait, tout à complètement, fait. Complètement, avec une police d'État. La SAVAK, oui. Comment le décrire, ce régime-là, André? Ben, c'est un régime, c'est une monarchie, disons, qui gouverne avec un parlement, sauf que le parlement, au fil des années, va perdre complètement ses prérogatives. C'est un leader autocrate qui se dit pratiquant musulman, oui, effectivement, il pratique, mais qui a des projets de modernisation de la société iranienne. Pour lui, l'Iran doit devenir la puissance régionale au Moyen-Orient. L'Iran doit être le gendarme du Golfe Persique. Il en parle et, comme son rêve, c'est d'en faire le Japon du Proche-Orient. Exactement, le Japon du Proche-Orient. Ouais. Et grâce aux revenus pétroliers, qui vont augmenter considérablement après le choc pétrolier de 1973, il va lancer le pays dans des achats massifs d'armement, tant chez les Américains que chez les Britanniques ou les Soviétiques. Mais c'est un homme qui veut, d'abord et avant tout, moderniser son pays. Quelque part, il s'est peut-être inspiré. Il s'est peut-être inspiré de Mustafa Kemal, de ce qu'il avait fait en Turquie entre 1920 et la fin des années 30. Ouais. Mais son grand projet, c'est ce qu'il va appeler la fameuse Révolution blanche, qui reposait sur une réforme agraire majeure. Le problème, c'est que la réforme agraire, écoutez, 1%, 1% des grands propriétaires contrôlaient 56% des terres. Mais dans ce 1%-là, vous aviez le haut clergé chiite. Ouais. Donc, son projet de réforme agraire va heurter les grands propriétaires terriens, mais va heurter le clergé chiite. Il voulait également occidentaliser la société iranienne, probablement à l'exemple de Mustafa Kemal. Ouais. Mais dans ce projet d'occidentalisation-là, il voulait justement changer le statut de la femme. Alors, comme Mustafa Kemal avait fait en Turquie, il va interdire la polygamie, il va interdire aux hommes le droit de répudier leur épouse, et il veut accorder plus de droits, dont le droit de vote, ouais, aux femmes. Donc, c'est clair que cette vision d'occidentalisation de la société iranienne et surtout de une forme de libération de la femme, ça heurtait. Ouais. À l'intérieur, ça heurtait une certaine frange de la population iranienne, oui, le clergé, bien sûr. Mais en même temps, tout ça, c'est aussi ce qu'on a beaucoup retenu de notre côté, au fond, comme occidental. Cet Iran du Shah, bien sûr, c'est une dictature. Elle est soutenue par les Américains. Oui. Mais il y a une certaine modernité, là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine modernité, oui, dans l'achat, bon, de la construction du métro de Téhéran, dans la construction de routes et d'autoroutes, le statut de la femme. Le problème, c'est que il n'investira pas dans le développement d'industries locales. Donc, quelque part, il déçoit la population. Mais aussi, il fait venir des gens, carrément, les cerveaux, la matière grise, il l'a fait venir de l'étranger. Et plus particulièrement des États-Unis. En 1975, il y a 50 000 conseillers américains, que ce soit des conseillers militaires, que ce soit des ingénieurs, des techniciens. Et ils ont un statut particulier à l'intérieur de la société iranienne. Et ça irrite considérablement une partie de la classe dirigeante, puis aussi de l'élite intellectuelle, de l'élite technique iranienne. Donc, ces projets de modernisation vont heurter la population. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la population iranienne ne voit pas qu'elle profite de ces projets-là. Mm-hmm. Et aussi, sa mégalomanie va vraiment se manifester lors de la fête, le 2500e anniversaire de la fête de Persépolis, où on voulait fêter vraiment le 2500e anniversaire de la dynastie iranienne. Le problème, c'est qu'on va inviter les chefs d'État étrangers. Vous aurez des dépenses somptuaires, mais la population sera totalement écarté, ouais, de cette fête-là. Et cette fête-là, pour vous donner une idée de la mégalomanie, on faisait venir la nourriture de chez Maxime, on faisait venir les fleurs d'Amsterdam. Et selon le journaliste Éric Rouleau, qui couvrait la scène moyen-orientale pour Le Monde, la fête de Persépolis aurait coûté entre 300 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Imaginez. Bon, et c'est clair qu'il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement qui étaient au courant de ces dépenses-là. Et c'est la fête de Persépolis, justement, à l'époque, je me souviens, les journalistes disaient déjà, il a perdu le sens des réalités. Ouais. Il y avait eu une entrevue. Il se disait connecté avec la population iranienne, disiez-vous, mais au contraire, ça le montre très bien. Le dictateur qui est complètement déconnecté. Oui, et je me souviens d'une entrevue qu'il avait donnée à Mike Wallace de 60 Minutes en 1976, qui lui reprochait ses dépenses somptuaires, ouais, qui lui reprochait justement d'être coupé de la réalité. Et tout ce qu'il avait pu répondre à Mike Wallace, c'est « Écoutez, vous êtes très mal informé, vous êtes un Américain, c'est clair, vous êtes influencé par le lobby juif. Ouais. » Ça commence à faire pas mal de monde. Ce qui est fascinant, c'est que d'une part, son plan de réforme, parce qu'il y en a un, va heurter plein de monde. Va heurter le monde agricole, vous nous en parliez, les intellectuels qui voient des Américains débarquer avec de beaux postes en Iran. Donc, à chaque fois qu'il... Les grandes mesures qu'il a, qu'il pense, provoquent de l'opposition. Et ça commence à faire pas mal de monde là, qui s'oppose à lui. Oui, puis en premier lieu, le clergé chiite. Ouais. Le clergé chiite est le premier à être heurté. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas la réforme agraire, parce qu'il est directement touché dans ses intérêts économiques. Ouais. Et aussi, il n'accepte pas la vision de la libération de la femme qu'il veut imposer. Et le clergé chiite, pour lui, c'est clair que tout ce qui vient de l'Occident, c'est mauvais. Tout ce qui vient de l'Occident, c'est de l'influence américaine, c'est de l'influence chrétienne, et ça n'a pas lieu d'être dans l'Iran musulman chiite qu'eux, ils ont en vue. Bon, il y a également les fameux, ce qu'on appelle les commerçants du bazar. Les commerçants du bazar, les bazaris, écoutez, eux, ils contrôlent 80% de l'économie. Ils contrôlent 60% de l'import-export. Et les bazaris, c'est grosso modo 300 000 personnes. Et ces gens-là n'acceptent pas que le Shah négocie directement des contrats d'infrastructures, des contrats importants avec des firmes américaines, avec des firmes françaises, avec des firmes allemandes, et reproche au Shah de ne pas donner ces contrats-là aux locaux, ouais. c'est-à-dire aux nationaux. Ouais. Et ce qu'il faut voir, c'est la relation qu'il y a entre les bazaris et le clergé chiite. Les bazaris sont tenus de donner, estime-t-on, 25 % de leurs revenus au clergé chiite. Alors, ajoutez le mécontentement des bazaris au mécontentement du clergé chiite. Là, vous avez déjà des gens qui sont contre vous. Ajoutez à ça aussi les étudiants et les groupes révolutionnaires qui, eux, évidemment... Nous sommes dans les années 60 et 70, surtout 70. Les idées de gauche sont à la mode. Mm-hmm. Le parti qui est le plus surveillé par la SAVAK, c'est le Toudeh. C'est le parti communiste iranien qu'on accuse de magouiller avec Moscou depuis l'intervention de 1946. Et à partir du moment où on focus sur l'opposition des étudiants, l'opposition des groupes de gauche, on ne s'aperçoit pas que à ce moment-là, le clergé chiite, lui, est en train de noyauter complètement la société iranienne parce que les services sociaux que le gouvernement de Reza Pahlavi n'accorde pas, l'Église s'en occupe, le clergé chiite s'en occupe. Ouais. Le clergé chiite a ses propres écoles, distribue... Donc un système parallèle qui déjà système est parallèle en train de... qui noyaute la population iranienne et qui fait qu'au moment opportun, ça sera relativement facile pour l'ayatollah et le clergé chiite d'appeler le peuple à la révolte. Ça va se passer en fait en quelques mois. Ce que vous venez de nous décrire, c'est la toile de fond, la colère qui gronde, l'insatisfaction profonde dans cette société iranienne. Mais en quelques mois, de janvier à décembre 78, tout bascule. Qu'est-ce qui va se passer dans cette année-là? En fait, ça commence tout simplement par un article mensonger qui est publié par un journal officiel en décembre 1977 qui prétend que l'ayatollah Khomeini, qui est en exil à Najaf, en Irak, depuis 1963, que l'ayatollah Khomeini ne serait pas un Iranien, mais qu'il serait né en Inde, qu'il aurait été un agent secret des Britanniques et qu'il mènerait une vie lubrique, une vie de débauche. Et à partir du moment où on attaque l'ayatollah Khomeini, qui est vu par une partie du clergé chiite comme le leader de l'opposition religieuse à Reza Pahlavi, ça déclenche des manifestations dans la ville sainte de Qom. Mm-hmm. Des étudiants religieux vont tout simplement manifester. La police est débordée, l'armée est obligée d'intervenir et on tire ces manifestants. Il y a une cinquantaine de morts. Et à partir du moment où il y a ce premier massacre qui se déroule à Qom en janvier 1978, dans la tradition chiite, à chaque 40e jour après des décès sur une forme violente, on organise des manifestations dans toutes les villes iraniennes. Et donc, ça fera boule de neige. Donc, ça va faire boule de neige. Et à Tabriz, en février 1978, pour célébrer justement ce massacre-là, le massacre de Qom, il y aura des manifestations où, encore une fois, la police sera débordée. Mm-hmm. L'armée sera obligée d'intervenir. L'armée va également tirer sur la population. Et à partir de février 1978, on voit que de 40 jours en 40 jours, Le mouvement de protestation ne fait que s'amplifier. Il y aura des grèves. Exactement. Également. Il y aura des grèves. Les grèves, surtout à partir de septembre 1978. Les grèves, ce sont d'abord les enseignants qui les commencent. Ouais. Mais le mouvement de grève devient extrêmement important en octobre, à la mi-octobre, quand les travailleurs de du secteur pétrolier se mettent en grève, ouais, et paralysent tout simplement le secteur pétrolier qui est la principale source de revenus du pays. از یک شالی که خودش و پدرش غیرقانونی نیست خودش علاوه بر او غیرقانونی نیست وکلایی که تعیین کرده است غیرقانونی نیست دولت اون آدم. L'ayatollah Khomeini s'adressant aux Iraniens à son retour à Téhéran le 1er février 79, deux semaines après que le Shah soit parti, il arrive vraiment, c'est un triomphe quand il revient à Téhéran, André Champagne. Son objectif, qu'est-ce que c'est? D'abord, évidemment, se débarrasser de la monarchie. C'est exactement, c'est de renverser complètement la monarchie, d'instaurer une monarchie, une dictature religieuse. Écoutez, il le dit, en arrivant à Téhéran, il le dit, je cite, « Nous allons détruire les vestiges de l'Occident qui nous a ruinés pour construire le pays de Mahomet. Nous sommes devant une page blanche, nous voulons établir un autre régime avec un autre contenu et d'autres formes. » Il veut ériger une théocratie, oui, qui repose sur le Coran, qui repose qui va instaurer la charia et qui va tout simplement laisser la plénitude du pouvoir aux religieux. Il va le faire et ça va aller très, très vite. Pour qu'on comprenne bien ce qu'il incarne, la figure qu'il peut représenter en Iran, vous l'avez un petit peu évoqué avec cette fausse rumeur du fait qu'il aurait été indien, ce que ça a provoqué. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est très, très estimé. Écoutez, Mohamed Mokri, qui est un proche collaborateur de Khomeini, il nous parle donc de cette figure qu'il personnifie. L'ayatollah, déjà à l'âge de 25 ans, était un grand savant, avait écrit plusieurs livres. Je pense depuis 14 siècles, c'est-à-dire après le prophète et Ali et les 12 imams, l'islam n'a jamais vu un personnage si éminent qui soit admis par tous les chiites du monde. Alors, André Champagne, comment expliquer pareille vénération? Qu'est-ce qu'il incarne, Khomeini? Il incarne un renouveau, il incarne un espoir, il incarne une alternative à ce monarque déconnecté de la réalité, mégalomane, qui n'a pas su répondre aux besoins économiques et sociaux et de sa population. Et il a une sensibilité politique que le Shah n'avait pas, en fait. Il est plus en connexion, oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui, il est connecté, étant donné, écoutez, il y a 350 000 mollahs en Iran, il y a 80 000 mosquées. Il a ses antennes partout. Oui. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a l'appui des déshérités de la population. Et les déshérités, c'est l'immense majorité de la population iranienne. Et il incarne un changement et on se dit, on n'a rien à perdre avec lui. Essayons, oui, essayons. Et quelque part, on peut établir une espèce de lien avec les frères musulmans. Rappelez-vous Hassan al-Banna en 1928, le fondateur des frères musulmans, qui dit « L'islam, c'est la solution. » Oui. Khomeini, c'est la même chose. C'est la même proposition. Et il peut s'appuyer sur le fait que déjà l'Église a toutes ses ramifications, ouais, dans la population et a déjà ses programmes sociaux d'instaurer. Il y a un grand mystère dans cette révolution iranienne, l'armée qui ne bougera pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au moment, juste avant en fait, que le Shah quitte le pays. Écoutez, c'est intéressant avec le recul, cet extrait, le journaliste André Potard, reporter à l'Express, qui donne une entrevue à l'émission Télémag le 9 janvier 1979, une semaine avant la fuite du Shah. L'armée iranienne, il faut savoir que c'est la troisième armée du monde. Pas tellement en effectif, 350 000 hommes, ce qui n'est pas énorme, mais en capacité de défense et en capacité d'équipement, puisque elle a quand même des engins sophistiqués que l'OTAN encore ne s'est pas offert. Et le programme d'achat annuel qui avait été prévu était de l'ordre de 10 milliards de dollars par an pour l'équipement de l'armée. Alors, cette armée-là, actuellement, il semble, tout le monde s'accorde à le dire, et même à Téhéran, on le reconnaît, que c'est le dernier recours possible, mais on ne sait pas en quel sens. Il y a, grosso modo, deux tendances dans l'armée. Une tendance qui est d'une extraordinaire fidélité au chat, puisque c'est le chat qui l'a fabriqué, puis une autre tendance qui se dit que malgré tout, après tout, quitte à prendre le pouvoir, elle pourrait le prendre pour elle-même. L'actuelle tentative du chat de faire appel à un gouvernement civil modéré, proche de l'opposition, ne réussira pas. Nous allons reprendre le pouvoir pour notre compte. Et quand ils disent pour leur compte, on ne sait pas très bien qui il y a derrière. Et il y a d'autre part une autre tendance plus loyaliste, mais plus dure à la fois, qui dit, bon, très bien, laissons faire cette espèce de parodie de libéralisation politique avec des civils. Et nous allons, si elle échoue ou si elle ne se réalise pas, nous allons prendre le pouvoir et nous allons aider le chat. Mais à ce moment-là, le chat sera prisonnier de l'armée. Une semaine. Cette entrevue, André Champagne, elle est donnée une semaine avant que le chat ne quitte l'Iran. C'est pas du tout ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer que l'armée n'intervient pas? Elle a été noyautée par les religieux, tout simplement. Et également, c'est une armée qui n'avait pas de police anti-émeute. C'est une armée qui manquait de balles de caoutchouc. Et c'est une armée qui n'avait pas eu d'entraînement pour la lutte contre-insurrectionnelle, qui n'avait pas eu d'entraînement pour la lutte en milieu urbain. Et on le voit, en octobre, on donne déjà comme directive aux militaires arrêter de tirer sur les manifestants. Ouais. Et à partir de ce moment-là, l'armée, on assiste à des désertions massives, non pas au niveau des généraux, au niveau des officiers, mais au niveau de la troupe. Parce que c'est quand même une armée de service militaire. Alors, ouais. Les religieux ont également noyauté l'armée. André, ça va très, très vite. On le disait, en quelques semaines, ce pays va devenir une théocratie. Est-ce que les religieux vont être au pouvoir? Vous le disiez, cette image que vous aviez, une monarchie en remplacera une autre, d'une certaine manière. Est-ce que le peuple est conscient de ce qui se passe à endosse ça vraiment? Ben, écoutez, le 1er mars 1979, il y a 98% des Iraniens vont voter pour l'établissement d'une république islamique, sauf qu'ils ne sont pas conscients de ce que ça veut dire république islamique. En réalité, ça va prendre 18 mois pour que la dictature religieuse s'impose vraiment. Puis on va le voir avec le départ de Ben Saad, le dernier premier ministre véritablement progressiste. Mais ça l'a surpris non seulement les Iraniens, ça l'a surpris le monde entier. Pour vous donner une idée, là, les Américains croyaient que les religieux, c'était un rempart contre le parti Today. Les Américains avaient très mal évalué Khomeini. L'Occident avait mal évalué Khomeini. Même les intellectuels progressistes l'avaient mal évalué. Et pourtant, si on avait lu ses écrits, dans ses écrits, il annonçait tout ce qu'il va faire. Mais ce qui est intéressant, a posteriori, quand on regarde ça aujourd'hui, quelque part, on doit se poser la question, est-ce que la révolution islamique en Iran a eu plus de retentissement que n'en a eu la révolution russe de 1917, quand on sait que le communisme, c'était la grande affaire du 20e siècle. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis 1979, la grande affaire, c'est la montée, c'est le retour du religieux, c'est la montée du fanatisme religieux, mais c'est une réalité à laquelle le monde est confronté de plus en plus. Et qui a pour point de départ cette révolution iranienne. Exactement, ouais. Exactement. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Toujours un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.